L'autre abruti va me dire ouais, you are clipping. Toi, c'est pas clipping. Le problème, c'est que maintenant, je t'ai pas assez fort. Ok, ok, prends ton temps. De toute façon, j'ai tout mon temps. Ouais. Mais calme-toi quand même. Calme-toi. Je suis en train de bouger les oreilles. Je me pète les oreilles. aujourd'hui au moins t'as plein de signal. Non, c'est pas grave. Moi t'as du signal au moins, je baisse. Thank you. faut absolument que tu ailles voir un. Je te donne pas le lien parce que c'est chier et puis je sais pas où il est. Va voir Stemovation sur YouTube. Stemovation. Non, c'est un. Sur YouTube, Standing Ovation for Ville Parisien, c'est au Festival de Jazz, Cuny Festival. Il va voir, c'est un morceau de 16 minutes, tu dois prendre un pied et filmer là. Vraiment, va voir ça, si t'as le temps un jour. Va voir ça. C'est absolument incroyable. Incroyable. En plus, c'est une qualité de son. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu payes Ville Parisien, par exemple, tu vas halluciner, c'est incroyable. Tu as une parisienne sur YouTube et Cully Festival, Cully CULY, tu vas halluciner. C'est du grand du monde. Ce mec, il a été invité par Bruno Marsalis, tout ça. Va voir ça.